pose c'est pas facile, hein. C'est chiant. Mais d'abord, tu me donnes un grand prix. Alors, c'est sympa, cette, ce ah ménage. Non, moi, j'aime bien faire les glaces. C'est sympa, c'est agréable. Pour rien, c'est plaisant. Non, pour rien du tout, Tess. Non, mais je l'ai fait pour rien. Cool. Et c'est plaisant à faire, enfin, c'est agréable. C'est pas cool. Je sais qu'il est énergiste. Je le sais. Heureusement, encore. Aïe, aïe. C'est l'écrit au grand haut. Impressive. Hein? Oui, après... On se voit dedans. Ben oui, hein, c'est fait pour ça. Ah bon? Ben parce qu'on se voit pas toujours dedans. Ah oui. si, hein. Normalement, on se voit toujours, mais ça dépend si on se voit bien ou pas. Ah, ça c'est possible. Hein. Parfois, on se voit mal, mais on se voit tout le temps. Ben, ça dépend. Mais alors, ici, on se voit tout le temps. Peut-être qu'avant, chez toi, on se voyait pas tout le temps. Mais on se voyait tout le temps chez moi, mais mal, comme là. Oh, comme là. Je vais manger dehors. C'est la satisfaction du travail accompli. Yes. Hein? Jusqu'à ce soir, quoi. Pourquoi? Ah bon? Si. Comment ça? Je sais pas. En brossant les dents, lavant des mains, bof. C'est pour ça d'abord je voulais faire un truc pour laisser la glace uniquement jusqu'ici. Pourquoi tu veux couper la glace? Non, pas couper, mettre tout devant, mais bon, il n'y a pas de place. Donc, Ouais, et puis c'est pas très gênant qu'il y ait une grande glace, au contraire. Oui, mais on est toujours en train de... Oui, mais bon, en même temps, c'est ce qui fait son charme. Non. Non? Non. Tu trouves que ça fait pas son charme? Non, quand c'est crade, je trouve pas du tout que ça fasse son charme.